Vous voici conviés au cours du Collège de France. Quel est le rapport de l'homme avec la nature? Alors que la COP22 réunit décideurs et acteurs du développement durable et que la biodiversité est entrée dans une phase d'érosion beaucoup trop forte, nous vous proposons de retrouver cette semaine le biologiste Gilles Boeuf, titulaire de la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, pour sa série intitulée « La biodiversité, son évolution et ses croisements avec l'humanité ». Cette série a été diffusée dans le cadre de l'Éloge du savoir de Christine Goémé en 2014. Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Aujourd'hui, on ne pêche plus vraiment. On fait exploser des milliers de poissons. Et ceux qui ne sont pas en état d'être vendus sont transformés en farine pour nourrir des animaux auparavant végétariens, obligés aujourd'hui d'ingurgiter des protéines animales. Bref, les océans sont dépeuplés, surexploités, tout leur stock de poissons et de plantes marines s'effondre, ils sont en passe de n'être plus que des poubelles. On crée, avec beaucoup d'applications, toutes les conditions d'une sixième extinction des espèces. L'homme, nous explique Gilles Boeuf, titulaire de la chaire annuelle « Développement durable, environnement, énergie et société », est la seule espèce au monde qui prolifère en détruisant l'univers qui l'entoure et qui détruit même actuellement ses propres moyens d'existence. Il n'est pas sûr que ce soit les générations suivantes qui vivront la montée des barbaries engendrées par la raréfaction, voire la disparition des ressources. Tout s'accélère à tel point qu'on risque nous-mêmes d'en être les témoins. Il faut écouter ces cours, les écouter en s'interrogeant sur nos pratiques. Gilles Boeuf y montre des images que nous ne pouvons voir, mais il les commente avec assez de science et de conviction pour nous obliger à changer notre vision des choses. Ce soir, il prolonge le cours que nous avons suivi hier en nous intéressant à la Méditerranée, avant de nous parler de la disparition des espèces sur les divers continents. Écoutez. La mer Méditerranée, c'est un petit océan intéressant. Ça serait une grave erreur de l'imaginer comme étant uniquement qu'un morceau de l'océan Atlantique. Mais l'histoire de la biodiversité méditerranéenne est liée à l'océan Atlantique. Elle a été pratiquement asséchée il y a un peu plus de 5 millions d'années. Imaginez l'événement qui a fait que brusquement l'océan Atlantique s'est versé. Ça s'est ouvert au niveau de Gibraltar. La chute d'eau était 10 fois plus haute que celle du Niagara. Et en 100 ans, ce bassin s'est rempli d'eau de mer. Donc il a amené bien sûr les faunes et les flores. Mais depuis, elle a évolué très différemment. La mer Méditerranée est le seul endroit au monde où, aux grandes profondeurs, au-delà de 1000 mètres, 2 km, 3 km, 5 km, l'eau est encore chaude. On a 13 degrés au fond de la mer Méditerranée à 5000 mètres, alors que partout ailleurs, dans le monde entier, à ces profondeurs, l'eau est à 2 degrés et demi. Alors, on a regardé ici, par exemple, les richesses en poissons. Tout rentre par Gibraltar. On a calculé que si on bloquait les entrées d'eau de mer à Gibraltar, on diminuerait la Méditerranée de plus de 1 mètre d'évaporation par année. Donc rapidement, on arriverait à ce qui s'était passé à une époque où elle a été pratiquement sans eau de mer, avec des évaporites gigantesques, des roches, qu'on retrouve en Sicile aujourd'hui, et qui marquent justement ce moment durant lequel la mer Méditerranée était en fait un fragment d'océan avec des grandes flaques d'eau dans cette vaste zone. On a regardé différents types de poissons, on a regardé les poissons endémiques. Où est-ce qu'on trouve le plus de poissons qui vivent là et nulle part ailleurs au monde? Chaque fois, vous voyez que la mer Adriatique, et ce fragment entre l'Italie et puis la Slovénie ici, là, est intéressant parce que on trouve beaucoup, beaucoup d'espèces qui vivent là et nulle part ailleurs. On voit très bien aussi qu'il y a de plus en plus d'espèces quand on s'approche de Gibraltar et que plus on va effectivement vers la partie est de la Méditerranée, moins il y a d'espèces. Et ici, c'est l'inverse. Ce sont les entrées de faune allochtones qui viennent de la mer Rouge. Quand Ferdinand de Lesseps, en fait, fait son canal, pratiquement 2 ans après, on commence à voir les premiers individus qui passent de la mer Rouge, qui passent le canal et qui vont s'installer en Méditerranée. Il y a un gradient de pente, on ne passe pas de la Méditerranée à la mer Rouge, on passe très vite de la mer Rouge à la mer Méditerranée. On appelle ces espèces érythréennes ou lessepsiennes, en l'honneur à Ferdinand de Lesseps. Et au départ, il n'y avait pas beaucoup de passages. On a vu des premières passer 2 ou 3 ans après la fin du canal de Suez. En ce moment, c'est plusieurs dizaines par année qui passent pour 2 raisons. L'eau s'est considérablement réchauffée dans la partie est de la Méditerranée. Et deuxièmement, le pH, l'acidité, on en parlera tout à l'heure, a beaucoup baissé en mer Rouge, obligeant les espèces à migrer de l'Érythrée vers la mer Méditerranée. Alors, ça amène le problème des questions, justement, d'espèces invasives. En anglais, alien invasive species. Tout de suite, une différence. Il y a une différence entre une espèce envahissante et invasive. L'envahissante était déjà là, et elle se met, pour des raisons, justement, liées aux perturbations humaines, à proliférer. Des beaux exemples, le rat, le goéland argenté, par exemple, ou bien la fougère aigle en Écosse, il y en a partout. Ça, c'est lié aux activités humaines. L'invasive, elle vient d'ailleurs, elle est exotique. Et là, tout à l'heure, on verra quelques exemples pour le terrestre, on va voir pour le marin aussi. Vous savez, les humains amènent dans des zones particulières des espèces qui arrivent sans leurs prédateurs, sans leurs parasites, manque de chance, et qui se mettent à proliférer et à créer de sérieux problèmes pour la biodiversité locale. Voilà une image idyllique, ça c'est chez moi, c'est à Bénousse-sur-Mer. C'est pas aussi beau que ça, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la mer. D'abord, on commence à voir des espèces qui étaient déjà là depuis très longtemps. Celui-ci s'appelle Ditrupa arietina. C'est un tout petit polyquette marine qui vit dans nos systèmes et qui était rare. Le laboratoire Arago, ça fait 130 ans qu'on regarde tous les jours, qu'on le scrute ce milieu. Les gens plongent, y vont, et on a cahier, on raconte ce qu'on a vu dans la journée en sortant. Et en 1890, on avait trouvé, une fois par semaine, j'ai vu un Ditrupa arietina. C'était vraiment la rareté. Aujourd'hui, 3000 par mètre carré de Barcelone à Marseille. Vous avez un très bel exemple d'espèce envahissante. Elle était là, et les conditions, soit d'activité humaine, soit de changements globaux, là on pense qu'elle est favorisée par les tempêtes très géantes qui remettent les fonds en suspension jusqu'à 50 mètres de profondeur aujourd'hui et qui changent la granulométrie du fond de la mer Méditerranée. Il aime bien ça. Autres exemples, les invasifs. Ceux-là, ce sont les aliens, ils viennent d'ailleurs. Ceux-là sont rentrés par le canal de Suez. Ils arrivent de la mer Rouge, la grande huître perlière du Pacifique, qui ressemble beaucoup, une étoile de mer, des crevettes, celle-ci a été introduite par les humains, elle vient du Japon, on l'a cultivée en mer Rouge, elle est passée en mer Méditerranée, et aujourd'hui elle fait la base de la pêche aux crevettes en Égypte et au Liban, au détriment d'espèces méditerranéennes, la Keraturus qui est partie. Vous avez des algues, vous avez des patelles, vous avez des différents types d'espèces, des gastropodes, qui passent de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Ceux-ci, ils sont rentrés par Gibraltar récemment. Alors eux, c'est vraiment le changement climatique. On les a typés moléculairement, on a fait des prélèvements dessus. Ils viennent du golfe de Guinée, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent de la Mauritanie, du Sénégal, et remontent vers le nord. Alors bien sûr, les barracudas, depuis une trentaine d'années, il n'y avait pas, il y a 100 ans, il n'y avait pas de barracudas dans le coin. Et depuis 2 ans, on m'a amené au laboratoire le mahi-mahi, la dorade coryphène, la grande dorade coryphène, qui est une merveille de l'océan mondial, mais que je connaissais à Tahiti, que je connaissais en Guadeloupe, et qui maintenant se prennent tous les ans, au mois d'août, devant le laboratoire Arago. Alors, elle est passée, elle, par Gibraltar. Autre problème qui est très important dans les océans, c'est le transport d'organismes par les pétroliers géants, par les tankers géants. Vous avez des bateaux, 100, 200, 300 000 tonnes. On me disait récemment qu'on allait construire le plus grand du monde, 5,5 millions de tonnes, 500 000 tonnes d'eau de mer, quand il quitte son port au Havre ou à Rotterdam, qui jette cette eau quelque part à Abu Dhabi ou à Oman pour prendre du pétrole, pour le ramener. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans cette eau de mer, 300 000 tonnes, ça en fait des mètres cubes d'eau de mer. Eh bien, vous avez toute une diversité. On estime aujourd'hui qu'il s'estime 3 000 espèces vivantes par jour, espèces, pas individus, à cause de ces pétroliers géants. On ballaste comme ça 12 milliards de tonnes d'eau de mer tous les ans sur tous les océans du monde. Et c'est un énorme problème. Là-dedans, vous avez des virus d'hépatite, vous avez des bactéries très pathogènes pour les humains. On a fait faire une thèse à une jeune fille au laboratoire là-dessus. Il y a tout ce que vous voulez dans ces milieux particuliers. Maintenant, on sait le faire. On a typé récemment une microalgue à Hobart, en Tasmanie. Vous voyez, ça se trouve. Elle vient de Méditerranée, elle n'existe pas ailleurs. Et c'est pas le goéland du coin, bien sûr, qui l'a amené d'Europe là-bas. Donc c'est un très grave problème que personne ne prend vraiment à bras-le-corps. On en parle, mais c'est très, très récent. C'est vraiment une menace très importante dans la dissémination d'espèces soit dangereuse, soit invasive, soit les deux. Alors ça, c'est une collègue grecque qui travaille là-dessus. Elle est à Thessaloniki, dans le nord de la Grèce. Elle montre, avec les anomalies thermiques récentes de la Méditerranée, la relation entre la température de la surface de notre mer qui augmente et les invasives qui s'installent. Hein. On a plus en plus d'espèces qui s'installent, bien sûr, dans la partie est de la Méditerranée et qui envahissent la partie turque, la partie grecque, libanaise, égyptienne, et qui arrivent, bien sûr, ensuite. Hein, on commence à prendre des espèces qui, maintenant, sont rendues chez nous aussi, à Banyuls, et qui vont ressortir un jour par Gibraltar. Donc il y a vraiment une très, très grande importance de ces relations, changement global, entrée d'espèces invasives par un artifice, le canal de Suez, construit, bien sûr, par les humains. Alors ça, c'est un travail qui a été fait par des collègues de Marseille, dans l'étang de Thau, à Montpellier. Une plongée dans l'étang de Thau, c'est magnifique. On l'a dépollué, il était très sale à une époque, hein, on mangeait des huîtres de Thau. Maintenant, ça s'est bien amélioré, on a fait des grands progrès, et on plonge dans l'étang de Thau, et vous regardez ce qui se passe. C'est superbe, il y a des algues partout, on dit c'est beau, c'est magnifique. Et vous prenez votre livre qui existe sur les algues françaises, et vous les cherchez, vous les trouvez pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, là? Je ne retrouve pas mes algues. Qu'est-ce qu'il a fait, l'auteur? Et là, quelqu'un dit, mais attention, depuis 71, on amène du naissin, des bébés d'huîtres japonaises du Japon tous les ans, par milliards d'individus. Ça fait 50 ans qu'on fait ça. Hein. Et alors, on prend le manuel des algues japonaises, et là, on les reconnaît. L'écosystème, aujourd'hui, de Montpellier est devenu un écosystème japonais. Regardez, je vais m'amuser à enlever les algues japonaises, là. Je plonge, et je les enlève. Voilà ce qui reste. Alors, c'est intéressant. C'est grave, docteur. Une vraie question pour un écologue. Le milieu semble très beau. Il y a une belle biodiversité. Mais c'est pas l'initial. On va chercher. On va trouver une qui a été probablement introduite de façon cryptique. Et puis, en cherchant bien, je trouve une qui existait il y a 50 ans. Donc, vous voyez que tout ça, sans aucun dessein, quel qu'il soit, l'humain transforme profondément les écosystèmes. Et là, les temps de taux, alors encore une fois, c'est une vraie question. Pour un écologue, bah, les puristes, les écolos vont dire, c'est pas possible, vous comprenez, qu'est-ce que font là les algues japonaises? Je peux les comprendre. Le pêcheur va dire, écoutez, moi, mes crevettes japonaises, je les exploite. Elles sont ni plus chères ni moins chères que les caraturus que j'avais avant. Sur le marché, le consommateur fait pas de différence, c'est pareil pour moi. Vous voyez que tout peut changer avec des problèmes où tout va collapser, c'est-à-dire que les espèces s'installent, détruisent les ancestrales, puis disparaissent elles aussi un jour, et les pêcheries peuvent s'écrouler. En mer Noire, on amène en 1980 une micro-méduse, qui s'appelle Nemiosis, qui arrive sur un bateau américain, qui arrive de Cape Cod, des États-Unis. Et puis, elle se libère dans le milieu. 10 ans après, 1 million de tonnes de biomasse, cette micro-méduse, elle effondre 40 000 tonnes de pêche à l'anchois. Tous les pêcheurs sont au chômage. Vous voyez que c'est jamais, jamais, bien sûr, sans danger. Alors, la température, bien sûr, je vous ai dit que les quatre principales forces qui abîmait, détruisait, enlevait la biodiversité, c'était là, bien sûr, la destruction, on va le voir pour les milieux terrestres tout à l'heure, la pollution associée ou pas associée, c'était la surexploitation, la dissémination d'espèces qui deviennent invasives, on vient de le voir, et enfin le climat qui change. Et dans l'océan, le climat qui change, c'est pas que la température de l'eau de mer, c'est aussi beaucoup de zones où l'oxygène est de moins en moins disponible, ce sont aussi des zones où la salinité est de plus en plus élevée, et enfin, bien sûr, surtout, c'est la remontée du niveau de l'océan. Donc ça, c'est les prévisions du GIEC. Les températures donc qui s'envolent là depuis quelque temps. Bien sûr, dans l'océan, c'est pareil. Hein. On voit les prévisions ici donc de 2010 à 2100. Et on voit que pour la mer Méditerranée, ça va profondément modifier les espèces. Hein. On a regardé un petit peu comment ça se passait. Et on voit que la température de surface change beaucoup. Hein. On voit très bien qu'elle va réchauffer beaucoup dans la partie est, moins dans la partie ouest. Là, en 30 ans, on a pris presque 1 degré à Banyuls et on a pris jusqu'à 4 degrés à Chypre. Donc ça va extrêmement vite, hein, cette augmentation de la température, qui favorise bien sûr l'attrait des espèces de la mer Rouge. Elles trouvent une bonne température, elles aiment bien l'eau chaude, donc elles passent. Et en plus, comme l'acidité augmente de l'autre côté, ça les pousse encore un peu plus facilement, bien sûr, à passer. Donc on a fait des prévisions, et on se rend compte qu'en Méditerranée, ça va poser un problème sérieux, ces histoires-là. Pourquoi? Parce que dans l'océan Atlantique, vous avez vu tout à l'heure les mahi-mahi, mais de rats de coryphène, le climat changeant, elles suivent les températures de surface, elles vont vers le nord. Comment on fait en Méditerranée quand on habite ici, là? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'accumuler ici, on va tous se retrouver là, et puis une fois qu'on sera là-dedans, comment trouver la sortie? Hein, il en faut des neurones, hein, pour se dire, voilà, j'ai fait fausse route, je vais redescendre la mer Adriatique, chercher la sortie à Gibraltar. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc c'est vrai que sur la Méditerranée, le problème thermique est particulièrement aigu. On a quelques cas déjà de disparition d'espèces dans des grottes, dans des cavernes sous-marines, des petits micro-crevettes qui sont partis, liées à la température qui change. On a une très grosse mortalité de gorgones il y a quelques années, au large des côtes de Marseille. Ça avait mis en émoi toute la communauté scientifique de l'époque. Et bien sûr, des aspects thermiques qui sont importants. Et qu'est-ce qui est le plus impacté? Ce sont les milieux qui ne sont pas habitués à changer. Donc le fond. Hein, étrangement, on pense à la surface, mais la température qui augmente va être beaucoup plus impactante sur le fond, où la température ne bouge pas. Ça mange. Je vous disais, vous avez des espèces marines qui vivent toute l'année avec plus ou moins, même pas 0,1 degré de différence entre le plein été et le plein hiver. C'est magique, ça. C'est fabuleux. On est mieux thermorégulé que vous et moi. Hein. Monsieur le docteur a un coût d'énergie beaucoup plus bas. Le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à changer. On ne peut pas résister à un changement. C'est le cas aussi des grottes sous-marines aussi, où vous avez des milieux, la température est très contrôlée par la configuration du milieu. Ce sera moins grave pour des huîtres en surface. Quand vous vivez sur une plage, je sais pas, moi je prends le fond du bassin d'Arcachon, quand je faisais ma thèse à Arcachon, vous pouvez très bien mesurer à Arcachon, on est en France, hein. En plein hiver, l'eau gelait, l'eau de mer gelait, donc il faisait moins 2. Et l'été, j'avais 36. Ouais, c'est possible, ça. Dans un fond de lagune. Plus je reviens vers le milieu ouvert, bien sûr, et moins ça change. Donc l'espèce qui est habituée à vivre avec des grandes différences de température, qu'on appelle eurythermes, capable de changer de température, celle-là, très opportuniste, elles vont s'en sortir. Les sténothermes, celles qui par contre supportent pas de différence, sont beaucoup plus menacées. Et on voit dans toute la distribution des espèces vivantes aujourd'hui, hein, les opportunistes sont capables de supporter des différences importantes. Les spécialistes, compliqué. On est super bien adapté. Je ne mange que cette plante, j'ai les enzymes géniales pour ne manger que cette plante. Je l'exploite au maximum. Bah oui, mais quand la plante s'en va, c'est un peu embêtant. Et on voit dans l'évolution, souvent ceci se passe. Hein. Au départ, on est très pluraliste, on fait plein de choses, et au fur et à mesure, on se spécialise. C'est bien à côté, mais si ça se met à changer, ça va pas bien. Sauf, on connaît quelques cas, si on peut évoluer dans l'autre sens, on a des cas d'évolution régressive, hein, où on voit l'espèce très plastique, capable de revenir en arrière pour se réadapter aux nouvelles conditions. Alors, n'oubliez jamais aussi dans l'océan que cette température, elle est vitale pour ces animaux qui sont invertébrés ou poissons qui n'ont pas de température contrôlée. Hein, la théorie écologique de la température en mer aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on montre effectivement qu'une espèce est soumise à une température très précise qui conditionne tout. Elle conditionne sa vitesse de développement embryonnaire, elle conditionne sa longueur de temps larvaire et sa croissance à l'état adulte et son entrée en maturation sexuelle, en reproduction, en permanence. Donc si la température effectivement augmente, ça va réduire ses temps. Donc ça va considérablement diminuer les dispersions d'espèces en mer. Hein. J'étais une étoile de mer, je vivais ici, j'avais une température de normalement de 12, je faisais mes bébés, je libérais mes larves, elles faisaient 300 km. La température effectivement diminuant, elles vont se métamorphoser bien avant ce qu'elles faisaient auparavant, et donc elles vont aller beaucoup moins loin. Et on voit maintenant que les cartes de répartition de ces invertébrés marins changent beaucoup. Et je vous l'avais dit, ils sont très spéciaux, les marins. C'est le seul cas où les animaux ne bougent pas. Ils sont comme des arbres. Hein. Un corail, une éponge, une fois qu'elle est fixée, elle ne peut plus partir. Donc si la température change, soit elle a les capacités profondes, intrinsèques, justement, de réagir à l'agression, tout va dépendre de la vitesse de l'agression et du changement, ou alors elle ne peut pas. Et c'est là que ces animaux nous intéressent beaucoup, parce qu'ils savent faire, ils sont là depuis très longtemps. Hein. Alors, un problème majeur dans l'océan, c'est ce qu'on appelle l'acidification globale. Et ça, c'est un phénomène qui est récent. Depuis 100 millions d'années, l'océan est à 8-18. Voilà un milieu fabuleusement... On parle d'homéostasie, le meilleur système, c'est l'océan. Hein. C'est parfait, l'océan. Il n'y a pas mieux. Hein. Au fond de l'océan, 1050 milliosmoles, ça ne bouge jamais. 2,5 degrés de température, pH à 8-18, oxygène bien précisé. C'est fabuleux. Et là, on voit ce pH qui n'a pas changé, en train de changer. On est à 8,08 aujourd'hui. Et ce qui est terrible, c'est que ça affecte tout l'océan mondial. C'est pareil partout, jusqu'à 400 mètres aujourd'hui. Et chaque année, ça continue à descendre. Un jour, l'océan sera plus acide jusqu'au fond. L'océan ne sera jamais acide, hein, de par ses phénomènes de sel contenu et d'effet tampon. Il peut pas être acide. Mais il va descendre en dessous de 8. Ce qui, pour l'océan, est particulièrement anormal par rapport aux époques récentes. On a eu des océans acides dans les mers du Permien, il y a 230 millions d'années, ça fait longtemps. Et donc, on voit cet océan en train de s'acidifier. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ben, ça va rendre plus difficile la production des coquilles chez les coquillages. Ça va difficilement rendre la construction des squelettes, du corail, par exemple. Ça va également affecter la croissance. Ça va fragiliser ces animaux. ça va jouer sur leur balance ionique, ça va affecter la symbiose avec les microalgues qui fonctionnent dans le corail, les zooxanthelles bien sûr, ça va affecter aussi sa résistance à la température, malheureusement. Quand le pH diminue, on est moins capable de résister à une température qui change, et elle est en train de changer, vous le savez très bien. Certaines espèces qui vont être attirées par ça, il y en a qui vont tirer parti, donc les espèces vont s'installer là où elles ne seraient pas venues, ça va en faire disparaître d'autres, et ça va beaucoup, bien sûr, aussi altérer les chaînes trophiques marines, ce qui est fondamental. Les virus de l'océan, je vous ai dit des milliards par millimètre cube d'eau de mer, les bactéries, ces virus sont souvent des bactériophages, des mangeurs de bactéries, les bactéries, le phytoplancton, le zooplancton, puis après les premiers producteurs primaires, etc. Les chaînes trophiques en mer sont beaucoup plus longues que sur les continents. Il y a beaucoup plus d'étapes que sur les continents. Et ça, bien sûr, la seule solution, soit on s'acclimate et on s'adapte, soit on disparaît. Donc c'est vraiment une question qui est posée aujourd'hui. C'est très compliqué de répondre à une telle question parce qu'on fait des manips. Tous les labos du monde marin s'y sont mis maintenant en regardant l'effet du pH qui descend, l'acidité, sur les espèces marines. Alors, on a des résultats. On a quelques groupes qui aiment bien ça. Les coccolithophoridés, par exemple, qui font les falaises de calcaire. Diatomées n'aiment pas trop ça. Le problème, c'est qu'on fait varier que le pH. Si on veut faire un truc qui soit publiable dans une bonne revue, il ne faut pas qu'on ait des paramètres qui changent dans tous les sens. Et dans la nature, c'est jamais comme ça. Le pH change, la température change, la salinité change, l'oxygène change, l'humain pollue, détruit, surexploite. Ça fait beaucoup. C'est un problème majeur pour nous aujourd'hui. Et ça, c'est entièrement lié au CO2. Là, on peut discuter des effets du CO2 sur la capacité atmosphérique à jouer les gaz à effet de serre, sur les effets de l'homme ou pas de l'homme. Ce qui est très clair, ça, c'est totalement lié aux activités humaines. Le CO2, on l'émet. Il est émis, et ce CO2, c'est très clair. Quand il est émis, on trouve que 60% dans l'atmosphère. Il en manque 40%. Il est où ? Dans l'océan. Le drame dans l'océan, c'est que ce CO2, mêlé à l'eau, fait de l'acide carbonique et acidifie l'océan. C'est vraiment un problème très important pour nous aujourd'hui. Pour terminer, l'humain va exploiter l'océan très loin maintenant. Ça, c'est les prévisions publiées en 2013, où l'humain va aller chercher des choses dont il a besoin. On va chercher alors jusqu'à 400 mètres des schistes noirs, des granulats, des minéraux lourds, de l'étain, de l'or, du platine, des gisements de diamants. Il y a du diamant, plein de diamants en mer qui ont été retirés par l'érosion sur les gisements d'Afrique du Sud et qui sont dans l'océan aujourd'hui jusqu'à 400 mètres. On va les chercher, bien sûr, c'est intéressant. Et en Namibie, ou des solutions marines. Ou alors on va maintenant aller au fond, il y a plein de projets, il y a plusieurs permis tous les jours délivrés pour aller au fond, pour des nodules polymétalliques. Là on est entre 400 mètres et le fond de l'océan, jusqu'à 10 km. Des sulfures, des saumures, des boues, des sédiments métallifères, des oxydes de fer et de manganèse, des fluides enrichis en hydrogène, etc., etc. Tout ça sont les projets qui sont faits avec des propositions de forages profonds dans le futur. Et ça c'est une vraie question. Juridiquement, on n'a pas d'encadrement de ces questions-là parce que cette mer ouverte n'est pas dans des zones qui ont été contrôlées par les communautés juridiques qui se sont mis d'accord. On a eu un grand débat en France cette année, là, au mois de mai, au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, pour voir la position de la France sur les questions de placer dans les eaux au-delà de quelques centaines de mètres de profondeur. Et pour finir, une note d'espoir sur les océans, simplement, c'est qu'on peut travailler à ramener, à restaurer de la diversité biologique. Alors, vous avez différentes solutions face à une agression. Soit il n'y a pas de variation de la biodiversité, soit elle diminue temporairement, puis elle se restaure au bout d'un certain temps, soit elle diminue, elle se restaure un peu moins bien, soit elle diminue, puis elle finit effectivement par s'éteindre. Tout peut exister. Ce sont des cas de figure qu'on connaît un petit peu partout. Et vous voyez que à la diminution, effectivement, ici, de la diversité, on peut très bien aller à l'extinction. Il n'y a pas de récupération. Ou on peut avoir une récupération partielle, ou alors une récupération totale. C'est des travaux qui ont été publiés donc dans les Trends il y a quelques années. Je vous ai pris ici l'exemple de canards, des tortues. Ici, je vous ai pris des requins et des poissons. Et vous voyez qu'on a fait des réserves qui ont permis effectivement à des populations de se reposer de l'activité humaine anthropique de la pêche et puis de repartir au bout d'un certain temps et de mesurer sur 20-30 ans l'effet réserve qui permet de relibérer dans le milieu des espèces qui ont été protégées pendant un certain temps. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer. Le projet mondial, c'est de mettre 10% de la surface de l'océan comme ça en réserve. Mais encore une fois, sur les aspects profonds, il n'y a rien qui est prévu aujourd'hui. Autre aspect ici, c'est la loutre de mer qui a été beaucoup travaillée dans les Aléoutiennes en Alaska. Alors c'est une histoire fabuleuse, la loutre, parce qu'elle a passé son temps à exister, à ne pas exister. La loutre était chassée pour sa peau. Elle est fabuleuse. C'est un animal extraordinaire. Cet animal qui, sur son ventre, prend une pierre pour casser les oursins. Vous savez, vous l'avez vu, elle est absolument géniale. C'est un des plus beaux mammifères qui existent, un petit mammifère gros comme ça quand même, et qui mange des oursins, et que des oursins. Donc elle chasse dans la mer, elle prend ses oursins, elle les mange. Et les oursins contrôlent les populations de kelp. On est sur des grandes forêts sous-marines de kelp, d'algues géantes comme les macrocystis. Et l'humain s'est mis à pêcher ces loutres, la tuer pour faire des beaux manteaux avec la loutre. Alors on a arrêté à une époque, on a vu la loutre revenir, et on a vu les relations très nettes avec les oursins et les populations de kelp. Donc on a dit ça marche bien, parce que quand il n'y a pas de loutre, les oursins prolifèrent et mangent tous les kelps. Il n'y a plus rien au fond de l'océan, il n'y a plus rien du tout. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé restaurer la loutre. Et puis il y a quelques temps, il y a une dizaine d'années, on voit la loutre qui commence de nouveau à rebaisser. Et on ne comprenait vraiment pas pourquoi, parce qu'on ne la chasse pas pour sa peau, c'est interdit. Et on s'est rendu compte que c'était assez... C'est ça les chaînes trophiques. On s'est rendu compte que les humains ont trop pêché de poissons. Et des poissons qui étaient prédatés par les orques, les killer whales, hein, c'est les épaulards. Et les épaulards auraient trouvé de mieux, manque de chance pour la loutre, qu'il n'y avait plus de poissons à manger, si bien manger les loutres. Les loutres ont été mangées, on a vu les forêts de kelp revenir au niveau antérieur ici, quand elles étaient pas broutées par les oursins qui sont mis effectivement à exister en très grande quantité. Ma brave loutre ici, elle passe par des phases, elle disparaît presque, elle repart. Donc ça, c'est des questions extrêmement intéressantes où il faudrait être très près, l'effet papillon, c'est ça, vous touchez à quelque chose et vous déclenchez autre chose. Et je vous disais, c'est une de mes conclusions souvent quand je fais mes conférences un peu partout, il faut que l'humain développe sa culture de l'impact. Hein, quand on fait quelque chose, réfléchissons bien à l'avance à ce que ça peut entraîner dans l'évolution des systèmes par la suite. Pour éviter ce qu'on appelle les shifts, en anglais un shift, c'est le basculement brutal d'un écosystème vers un autre. Et c'est très difficile à prévoir, parce que c'est le cas des arbres de la forêt, vous enlevez un arbre, puis un autre, on voit rien, et vous enlevez l'arbre de trop. Et tout collapse. C'est ça le shift. Hein. Brusquement, on passe à un autre système. Et ça, c'est si les écologues n'arrivent pas à prévoir ça, bien sûr, ça pose beaucoup de problèmes, et ça se passe sans arrêt. On estime que 50% des écosystèmes actuels sur la planète ont shifté déjà. Hein. Donc on va vraiment, par l'agriculture, on va voir tout à l'heure. Hein. Donc c'est vrai que ça pose des questions qui sont extrêmement importantes. Et ici, c'est un travail qui a été fait sur, justement, les retours des grandes algues, et puis, bien sûr, le retour de chaînes trophiques, hein, dans ces milieux particuliers. Ça a été fait sur des espèces de l'estuaire de la Tamise, en Angleterre. On voit qu'on peut aussi commencer à restaurer des systèmes. Et ça, c'est un système qui a été fait sur des rats. Hein, on montre ce qui se passe quand on arrive à enlever les rats d'une île, j'y reviendrai tout à l'heure, en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc on va terminer l'océan comme ça, et on va attaquer donc la partie d'aujourd'hui, qui était la partie sur les mêmes données, mais sur la partie continentale. Alors là, bien sûr, on va toucher aux questions de forêt. La surexploitation, ce n'est pas la pêche, c'est la forêt tropicale. Hein, c'est effectivement le système minier avec des mines gigantesques. Hein, c'est un des plus grands projets miniers au monde, Koniambo, en Nouvelle-Calédonie, gigantesque. On est capable d'enlever des montagnes pour les vendre aux Chinois, ce qu'on fait en ce moment, hein, aux Coréens. Et ça, c'est des problèmes, bien sûr, qui posent des choses extrêmement compliquées sur ces écosystèmes particuliers. Ça, c'est ce que j'aime toujours. Alors, j'ai fait des photos comme ça à Londres, à Berlin, à Paris. J'adore un trottoir à Paris et quelque chose qui repart tout d'un coup. Hein. Ça, c'est la soif du vivant de refaire quelque chose. On a quelques grains de terre. Hein. J'ai vu sur des falaises en montagne, en grimpant des fois. Il y a le tout petit interstice et il y a la petite fleur qui est partie. Alors ça, vous restez devant, vous ne la touchez surtout pas. Bien sûr, on ne marchait pas dessus. Hein. C'est le repart du vivant dans des considérations d'environnement très particulières. Certains arrivent, d'autres n'arrivent pas. Et ça, c'est ce qu'on fait maintenant de la diversité bien sûr terrestre, hein, un peu partout. Et bien sûr, on avait dit l'autre jour, quand je vous ai parlé d'agriculture, hein, on peut avoir des humains sans agriculture, il n'y a pas d'humanité sans agriculture. Pour nourrir 7 milliards d'humains, demain 9, la question qui est même posée aujourd'hui, c'est comment on va faire pour en nourrir 9 milliards. Alors, est-on en train de mettre en place les conditions d'une 6e grande crise d'extinction par rapport aux 5 grandes que je vous avais décrites, hein, pour des raisons de destruction et pollution, à revenir aux mêmes choses au niveau continental qu'on a vu au niveau du milieu marin, pour des raisons de surexploitation des stocks. Là, on parlait de la pêche, ici, on va parler de la forêt tropicale. Pour des raisons de dissémination d'espèces qui deviennent invasives, on a parlé des marins, on va parler maintenant des terrestres. Et enfin, le changement climatique, qui aussi, bien sûr, est responsable de pertes de diversité importantes. Il y a un travail sorti dans Nature en 2004 par Thomas et ses collaborateurs. Ça vaut ce que ça vaut, mais il dit, on calcule, c'est fait à coup de serpe, hein, c'est très, très vaste. Il dit à peu près, on estime que 50%... 1 million des espèces vivantes disparaîtraient à l'horizon 2050, uniquement liées au changement climatique. Alors, tout ça est parti d'un travail qui a été fait entre 2000 et 2005, dont je vous ai aussi parlé en préalable, la première fois, qui est le travail du Millennium Ecosystem Assessment, c'était l'état mondial des écosystèmes, qui a sorti en fait deux choses intéressantes. Les taux d'extinction sont plus élevés que ce qu'on calcule par la paléontologie et par les strates de fossiles sur 500 millions d'années. Alors, ils avaient dit à l'époque entre 100 et 1000. On a revisé ça un petit peu à la baisse. On est entre 100 et 300 aujourd'hui. C'est quand même considérable, bien sûr. Comment on calcule ça? Ben, par rapport à des surfaces qui s'en vont. J'enlève 1 km² de corail. Vous avez vu l'autre jour comment on estime le nombre d'espèces. Ou j'enlève 1 km² de forêt tropicale. Donc, je perds tant d'espèces. Donc, c'est des questions qu'on se pose en permanence, bien sûr, dans ces évaluations. Donc, elles partent plus vite. Et ça repose le débat sur la biodiversité. Le travail de Rockström, il montre que c'est parmi toutes les questions qu'on a pour modéliser l'état de la planète, la biodiversité et l'azote sur les champs sont les deux problèmes qui sortent de la courbe. On ne peut même plus les mettre dans la courbe qu'on a choisie à cause des échelles. Vous imaginez un petit peu. Alors, sont partis les pigeons migrateurs vers, à la fin du 19e siècle, le pingouin arctique, le dodo, le beiji, on en avait parlé en 2007, et que sont devenus les animaux qui étaient peints il y a 16 000 ans à Lascaux, il y a 14 000 ans à Altamira, en Espagne, et il y a 33 000 ans à Chauvet. Question intéressante, ils ne sont plus là. Alors, bien sûr, quelquefois, le climat peut expliquer ceci. Alors, récemment, on a disculpé l'humain dans la disparition du mammouth laineux en Alaska. Le climat qui a changé à l'époque est assez puissamment efficace pour justement expliquer la disparition du mammouth. Mais souvent, c'est l'humain qui va amener la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a plein de cas, je vous en parlais maintenant, où c'est l'humain et lui tout seul. Regardez les éléphants de la Méditerranée. 16 espèces d'éléphants nains, vous imaginez ces bestioles. Adultes, ils étaient hauts comme ça. Hein. Vous voyez ça en laisse ici, là, devant le Collège de France tout à l'heure. J'ai un succès fabuleux. Hein. Il y avait 16 espèces d'éléphants, dont un sur l'île de Tilos. Tilos, c'est une toute petite île qui est ici, dans les Cyclades, ici. Il y en avait en Crète, il y en avait en Sicile, il y en avait à Chypre. Tous, entre 10 000 et 8 000, chaque fois que les humains arrivent sur l'île, ils les mangent tous. Et c'est intéressant parce que le grand cyclope d'Ulysse, vous vous rappelez, quand Ulysse a 10 ans de guerre de Troie, puis comme son cheval n'a pas plu à Poséidon, 10 ans avant de retrouver Pénélope, ça faisait 20 ans qu'il était parti de chez lui, et il arrive en Sicile. Et là, il trouve un espèce de monstre, un géant, avec un œil unique sur le front, bien sûr Polyphème, le cyclope. De quoi est venue la légende? Simplement, ils avaient trouvé en Sicile des crânes d'éléphants nains. Pour eux, ce ne peut pas être des éléphants. Le crâne, il est gros comme ça à peu près, avec un gros trou au milieu. Ce trou, ce n'est pas un œil, bien sûr, hein, c'est les fosses nasales et la trompe. Et voilà comment est née l'histoire de la légende de Polyphème. Eh bien, Polyphème, on l'a mangé. Il n'est plus là. Il est parti quand les humains arrivent en Sicile, il y a 9000 ans. Alors, bon, l'UICN nous dit, voilà, qu'est-ce qui est parti? On avait parlé de ça, que 18 espèces marines. On a vu pourquoi ce n'est pas tellement un critère intéressant en mer, la disparition. On veut prendre l'effondrement des stocks. Au niveau terrestre, par contre, on a documenté 900 disparitions d'espèces sur 4 siècles. Bon, de ce qu'on connaît, hein. Tout à l'heure, on parlait des nématodes, les insectes. Hein. Il y a un très beau travail de Brooke et de ses collaborateurs sur Singapour. Singapour est un extraordinaire endroit d'étude. Singapour, en fait, il y avait une magnifique jungle tropicale. Hein. Singapour, c'est vraiment dans la zone intertropicale. Hein. Et les humains s'installent, ils font qu'une énorme ville. On enlève tout, pratiquement tout. Et on a regardé les effondrements en 30 ans. Hein. Les poissons, les papillons, les oiseaux, les mammifères, toutes sortes d'insectes, les reptiles. Tout est terrible, en fait. Hein. Et là, on a vraiment des données qui sont très, très bien documentées. On a vu comment l'humain a enlevé la forêt, a enlevé la diversité, et fait qu'aujourd'hui, en fait, il reste des bestioles dans les eaux et c'est à peu près tout. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite de ceci? Il faut réfléchir un peu à Singapour, parce que Singapour, on le prend souvent comme exemple du bien-être de l'humain. On dit voilà, les gens sont tous riches parce qu'on ne veut pas de pauvres, hein. On les laisse ailleurs, ou bien on les met ailleurs, et puis on vit très bien, on a de l'argent, et puis on fait progresser il faut regarder de près. Et puis c'est clair que c'est le modèle singapourien, et heureusement d'ailleurs, n'est absolument pas extrapolable à un système qui est très petit, très limité, avec des humains qui ont des modes de vie très particuliers. Ils vont aux zoos, puis après, quand ils veulent voir des animaux sauvages, ils s'en vont en Malaisie, ils s'en vont en Inde, ils s'en vont en Thaïlande, là où il reste des choses. Hein. Donc on a vu des mollusques ont disparu, des insectes, des plantes, des mammifères, des poissons, d'eau douce. Hein. Il y a beaucoup plus de disparitions de poissons douces que marins. La dernière fois, je vous dis, il y a un seul poisson marin documenté comme ayant disparu. Alors, pourquoi? Eh bien, on détruit. Vous avez des grandes villes, Mexico City. Ça, ce sont des fermes à crevettes sur les mangroves de l'Équateur. Il y avait de la belle mangrove. 50% des mangroves dans le monde ont disparu en moins de 30 ans pour faire des crevettes. Que vous mangez vos gambas, que vous mangez, ça m'arrive aussi, hein, quand vous achetez vos gambas chez les marchands de crevettes congelées, là. Ça, c'est les grands barrages que vous connaissez bien. La forêt qui s'en va, la transamazonienne. Ici, vous avez encore des barrages. Ici, vous avez des routes dans la forêt tropicale. Ça, c'est au Costa Rica. Où est-ce qu'il reste? On va garder un tout petit morceau de bosquet natif. Oh, je le garde parce que... Mais alors, vraiment, il a fallu se battre pour l'avoir. Hein. Et on montre que le morcellement est terrible. Alors, il y a des bêtes qui arrivent à vivre dans des coins morcelés, d'autres qui peuvent pas du tout. Les micro-mammifères, les souris, tout ça, ça... Les musaraignes, ça va pas du tout. Hein. On voit qu'il y a un moment, quand on dépasse un seuil de morcellement, tout disparaît. Il reste pas grand-chose dans ces petits lambeaux de forêt primitive qu'on va garder. Et puis, c'est au Canada, c'est super. Voilà ce que sait faire l'humain, hein, une belle forêt, là. Et hop, on commence à travailler et on peut faire ça. Hein, vous avez vu des films là-dessus, on peut effectivement tout enlever. Alors, tout un problème de mesure. Bien sûr qu'il a fallu enlever de la forêt, puisqu'il a fallu faire de l'agriculture, évidemment. Mais tout un problème de mesure. Et moi, je me refuse à imaginer un monde demain qui serait uniquement un gigantesque agro-système où il n'y aurait rien d'autre que l'agriculture et de la biodiversité uniquement d'intérêt agronomique. Alors, récemment, il y avait le Premier ministre qui disait, de toute façon, on va interdire en France l'imperméabilisation des sols. C'est les parkings de supermarchés. Alors, est-ce que c'est, ça ne sert absolument à rien. Alors là, c'est tellement imperméable que l'eau ne pénètre plus dans le sol. Il faut faire des trous dedans maintenant. On travaille beaucoup là-dessus, justement. Et puis, il me dit, bon, de toute façon, si jamais ça se faisait un petit peu, je vous promets, ça sera pas au détriment des terres agricoles. Bon, ça ne m'a pas rassuré, hein. Ça m'a pas rassuré, parce que les zones humides, je ne sais pas ce qu'elles vont devenir, et les forêts non plus, dans des conditions comme ça, bien entendu. Donc, problème qui est très clair. Vous enlevez, en fait, le système initial et vous ne laissez pas grand-chose. Voilà les forêts. Ça, c'est la forêt de Bwindi, où se trouvent les derniers gorilles de montagne. Il reste peut-être 800 individus à la frontière du Congo, de l'Ouganda et de Rwanda. Ça, c'est des images faites à Madagascar et ici en Amazonie. Donc, vous avez cette forêt tropicale ultra riche. Hein. Je vous disais que les coins les plus riches du monde en nombre d'espèces, hein, c'est la Colombie. La transition entre la Colombie et l'Amazonie basse, on peut trouver, je vous disais, 700 arbres au kilomètre carré différents. Pas individus, arbres, espèces d'arbres. Hein, alors qu'on connaît 127 espèces d'arbres de Brest au Japon. Et on a fait le tour, hein, les arbres, on ne va pas en trouver de nouveaux tous les jours. Donc, vous voyez que, et je vous disais, sur un seul arbre de Colombie, peut-être 700 espèces de coléoptères. Hein. Donc c'est vraiment des richesses extrêmement élevées. Et c'est comme ça qu'on calcule les taux de disparition d'espèces. La biodiversité en espèces, ce n'est pas ici, ce n'est pas à Paris qui disparaît. De toute façon, à Paris, on a fait beaucoup de mal jusque-là déjà. Là, c'est parti, ce qui devait partir est parti. Hein. Mais par contre, dans ces zones particulières, les espèces ne sont pas décrites. C'est banal aujourd'hui. Il y a un article qui est sorti récemment qui nous montre que quand on décrit une espèce, eh bien, elle a déjà disparu. Ça fait 10 ans qu'on l'a trouvée, et quand on va sur l'endroit où on l'a trouvée, ben, c'est un parking de supermarché aujourd'hui. Donc, vous voyez que ce sont des questions qui sont vraiment très particulières. Alors, la forêt tropicale, elle disparaît au rythme de 140 000 km² par an, c'est-à-dire le quart de la France part chaque année en forêt tropicale. Je vous renvoie au film de Francis Allais, qui est sorti il y a quelque temps. Il était une fois la forêt où il dit, à 18 ans, je me retrouve en haut d'un arbre de forêt tropicale à 50 mètres de haut. J'ai 78 ans aujourd'hui, dit-il. Ça fait 60 ans que je grimpe dans les arbres. Et ce que j'aime bien dans ce que dit Allais, c'est que ce n'est pas des statistiques dans un travail écrit, hein. C'est une mémoire d'homme. Hein. C'est ça qui est intéressant. Il dit, en 60 ans, j'ai vu disparaître la moitié des forêts tropicales. Et là, je vais aller à Bornéo dans quelques semaines, quand j'aurai fini les cours avec vous. Et Bornéo, vous relisez Pierre Pfeffer, bivouac à Bornéo, c'est écrit en 58. Il raconte ce qu'était Bornéo. Bornéo, aujourd'hui, c'est des champs de palmiers à huile. Avec tout ce qui était associé à cette forêt. Il y avait des scarabées, il y avait des lucanes. Moi, qui aime bien les lucanes, les cerfs-volants. Fabuleux! Tous partis. Pas plus. On ne sait même pas ce qui est parti, parce qu'on ne les avait pas à l'époque décrits, regardés. Donc, et ça se produit en permanence. En 10 ans, entre 90 et 2000, elle a disparu plus que la surface du Venezuela en forêt tropicale. Alors aujourd'hui, en Europe, bien sûr, la forêt revient. La forêt est revenue par rapport à ce qu'on avait il y a 50 ans. Malheureusement, elle est très anthropisée. On ne remet pas les arbres qu'il y avait auparavant. On ne remet pas des hêtres, des chênes. Et c'est vrai qu'on remet des conifères à croissance rapide avec des systèmes très différents de croissance, de régénération des sols, de cohabitation avec le reste. Hein. Questions qui sont très, très, très posées, très importantes aujourd'hui. Ou la forêt des Landes, hein, qui est très récente. Et un coup de vent, elle est par terre, la forêt des Landes. Hein, alors qu'avant, ce n'était pas la même chose. Et que là, maintenant, avec la remontée du niveau de la mer, elle va être sous la mer, de toute façon. Hein. Donc, vous voyez que beaucoup de réflexions intéressantes à avoir là-dessus. Regardez, Madagascar. Ça, c'est le seul endroit au monde, le premier, le seul où il reste, le fameux Ravelana, l'arbre du voyageur, qui est absolument, c'est un arbre fabuleux. Il y en a dans tous les jardins, hein. Moi, je connaissais au Tabor, à Rennes, il y en a à Paris, c'est un très bel arbre, qui a été amené partout. Il vient uniquement d'une petite île qui s'appelle Sainte-Marie, à Madagascar. Voilà le dernier gisement au monde de Ravelana sauvage. C'est une pente incroyable, quand vous faites un trou dedans, c'est logique, hein. En fait, elle contient beaucoup d'eau sous pression, et vous avez un jet d'eau qui sort. C'était un arbre extraordinaire, justement. Ben écoutez, maintenant, il n'est plus qu'à l'état de plantes jardinées dans les jardins, avec une très faible base génétique. Et ça, voilà, ça, c'est un truc qui... Vous en pleurez, hein. Vous survolez à Madagascar, Tananarive, hein, à Matsahanga. J'ai une amie qui est professeure à l'université à Tulare, au sud. Elle me disait, il y a encore 5 ans, j'emmène mes étudiants dans la forêt. Elle dit, maintenant, je n'ai plus un seul arbre. Toutes les forêts sont parties. Et la pauvreté, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a plus de forêt, les gens n'ont rien. Alors vous les voyez sur la route en train de transporter des bidons jaunes en plastique contenant de l'eau. On passe son temps à chercher de l'eau et à manger. Eh bien, on brûle les derniers morceaux de bois qui restent pour faire du charbon de bois qu'on vend aux gens qui passent. Donc, c'est absolument terrible. Ce sont des systèmes totalement aveugles qui ne peuvent qu'aller dans le mur. On ne devrait plus couper 1 mètre carré de forêt tropicale aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune justification, où que ce soit. Un des coins au monde où elle est le mieux conservée, c'est en Guyane française. Hein. C'est là qu'on a encore la forêt la plus pristine d'Amazonie. Mais pour combien de temps ? Hein, moi, je vais souvent en Guyane. Il y a aujourd'hui des envahisseurs, des orpailleurs clandestins qui nous posent des problèmes gigantesques. Je suis allé avec les gendarmes il y a quelque temps sur un gisement abandonné d'orpailleurs. C'est monstrueux. Sans parler du mercure dans la rivière qui contamine l'eau et les Amérindiens qui consomment cette eau un peu en aval, bien sûr. Voilà. L'humain peut faire ça. Il sait faire ça. Alors, voilà les efforts qu'on fait pour l'environnement. Ben, je vais faire des efforts, je vais mettre de l'essence sans plomb dans ma tronçonneuse. Voilà. C'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux, hein? Comment on réagit dans ces conditions particulières, évidemment, bien sûr. Hein? Alors, qu'est-ce qui peut se passer quand j'abîme mes écosystèmes? En fait, tout peut se produire. Il y a plein de travaux intéressants qui sortent. C'est un travail d'Ontry où ils regardent un petit peu comment une perturbation écologique, la même, qui se produit dans différents endroits du monde, entraîne des conséquences différentes. Et ça, c'est intéressant. Ça nous montre que le vivant est tellement plastique, tellement adaptable ou pas, que tout va changer. Là, ils ont pris deux énormes volcans qui explosent. Le Mont-Sainte-Hélène à la frontière Canada-États-Unis. Et ici, un grand volcan sur les Galapagos. Et là, ils ont pris des feux très importants, de même surface, qui n'ont pas les mêmes résultats. Ils ont regardé sur des tortues, ils ont regardé sur un ensemble de populations d'espèces, des lézards, ici sur un arbre. C'est intéressant parce que ici, l'explosion a eu lieu, a tout détruit, et aujourd'hui, c'est vrai, a réparti les espèces vivantes qui ont été détruites sur une toute petite partie de l'île, avec une très faible variabilité génétique, et en fait, pratiquement pas de réimplantation ailleurs. Là, sur le Mont-Sainte-Hélène, c'est tout à fait différent. Ça a réagi très bien, en fait. On a vu l'explosion qui a tout détruit, et puis c'est revenu. Alors, on a revu, effectivement, un retour des espèces vers le centre, avec un maintien, finalement, pas si mauvais de la diversité génétique. Ici, sur ces lézards, on montre que vous pouvez très bien avoir des petits morceaux de nature que le feu a détruit tout ce qui était autour. On voit très bien le système se réinstaller, soit avec des communications en permanence, et là, vous maintenez une capacité, effectivement, génétique à la population beaucoup plus intéressante pour résister au futur, ou ici l'inverse, où vous restez entièrement isolé, et puis ces isolats, ils vont évoluer différemment, et puis ils peuvent très bien aller jusqu'au collapse, avec même carrément des espèces nouvelles qui apparaissent, séparées de l'espèce initiale. Et ici, c'est un travail qui a été fait sur des arbres, où il montre effectivement que, selon l'âge de l'arbre, trop vieux ou trop jeune, on a des résultats différents. Donc en fait, à la même agression, le vivant peut réagir dans des conditions très différentes, qui sont explicables par le local, bien sûr. Alors l'agriculture va arriver là-dessus, bien sûr, on avait dit que l'agriculture va permettre à l'humanité. On est 5 millions, je vous avais dit, d'humains lorsqu'on s'arrête pour produire. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'humain crée la diversité agricole. Et il la crée, effectivement, simplement parce qu'il va utiliser des plantes qui étaient sauvages. Hein. Je vous avais dit, au début, il y a 12 000 ans, l'agriculture, c'est vraiment un mélange de plantes sauvages avec des plantes cultivées. Et les vrais cultivars d'élevage apparaissent, en fait, au 19e siècle, hein. pas beaucoup avant. Et puis on va transporter tout partout, bien sûr. Hein. Donc, du nomade, il devient sédentaire. Le milieu s'est réchauffé il y a 20 000. Encore une glaciation, il y a 10 000. Et puis 10 000, ça fait que se réchauffer. Donc effectivement, hein, c'est clair aujourd'hui que le réchauffement aussi, là, bien sûr, on le donne pas uniquement lié à l'humain. Hein, une grande partie qui est liée à un réchauffement naturel depuis 8 000 ans. Au Proche-Orient, donc, on voit naître l'agriculture. Puis un peu partout dans le monde, hein, d'autres régions du monde. Hein. Donc on voit l'orge et le blé dans le croissant fertile, la courge, la tomate, le piment, le maïs et le haricot dans le Nouveau Monde. Hein. Donc on va les ramener lorsqu'on va effectivement aller en Amérique. La pomme de terre et la fraise en Nouveau Monde du Sud, Amérique du Sud. Et en Asie, le soja et le riz qui sont récupérés. Et on voit que l'humain va utiliser sélectivement cette biodiversité ancestrale. Et qu'on va effectivement, par des révolutions agricoles, supprimer les famines, avec beaucoup de cas intéressants. Lorsque une peste agricole arrive, hein, on voit que l'uniformité génétique est catastrophique. Hein. 1 million de morts en Irlande en 1945, liés au mildiou sur la pomme de terre, parce qu'on n'a pas trouvé la variété de pomme de terre capable de résister au mildiou. On a eu beaucoup de cas récemment, la roue noire aux États-Unis, l'helminthosporiose aux USA. C'est terrible, hein. cette parasitose, elle a augmenté de 80 km par jour, pour faire un dessin animé. Hein. Les paysans la voyaient arriver, elle arrivait, détruisait absolument tout. Hein. On s'est rendu compte que le pathogène ciblait un gène, Texas. Donc il a fallu qu'on retraite toute une série de variétés, effectivement, du maïs pour éliminer Texas et, dans ce cas-là, introduire un gène de résistance qui a permis, effectivement, au maïs de repartir. Pour le riz, victime du nanisme il y a une quinzaine d'années, on a dû retester 6300 variétés de riz différentes au sud de l'Himalaya et au nord de l'Himalaya. Il y a deux riz assez différents au sud de cette grande chaîne de montagnes et au nord pour retrouver la variété capable de résister, bien sûr, aux pathogènes. Et maintenant, on a réimplanté 100 000 km² de ce riz particulier qu'on avait trouvé résistant, en fait, à cette maladie. Alors l'agriculture, c'est pas que à manger pour les humains, c'est aussi des fibres, des médicaments. Hein, le coton, c'est un bel exemple pour les fibres. Des fibres textiles, ça peut être aussi, bien sûr, beaucoup de médicaments. Hein, la pervenche de Madagascar, on en parlera quand on parlera des services rendus par les écosystèmes. Hein. La vinblastine, aujourd'hui, c'est un des plus puissants suppresseurs de tumeurs, pardon, qui existe. Plantes ornementales, fleurs de jardin, et aujourd'hui des plantes en fait qui sont cultivées, qui n'ont plus rien à voir avec les plantes sauvages, donc qui posent des problèmes effectivement. Il faut absolument, c'est un combat perpétuel, garder une variabilité génétique issue du sauvage pour toutes ces plantes qui sont aujourd'hui à la base de la consommation des humains. Hein. Sur plus de la moitié des plantes consommées, c'est moins de 5 espèces de plantes. On en connaît 300 000, je vous rappelle. Hein. On connaît 300 000 plantes sur la Terre aujourd'hui. Hein. Plus de 50% de ce qu'on mange, c'est 5 espèces. Donc on a été amenés un petit peu partout. Alors l'avenir agricole, bah demain nourrir 9 milliards d'humains, produire sans augmenter les surfaces agricoles, on revient à ça, en fait, il faut maintenir les surfaces actuelles, augmenter peut-être un tout petit peu plus, hein, c'est 1500 millions d'hectares aujourd'hui, sans détruire la biodiversité, ne pas gaspiller l'eau, 80% de l'eau, presque 80% aujourd'hui, c'est l'agriculture, hein, c'est l'irrigation. Et je vous disais, il y a quelque temps, je vous disais, l'humain consomme à lui seul, lui et ses animaux domestiques, et ses plantes, plus de la moitié de la disponibilité en eau potable de la planète. Arrêter les pesticides, ça c'est clair, pour moi il faut les arrêter. Être très limitatif sur les engrais, hein, c'est-à-dire qu'il faut enlever tout ce qui est dangereux, ça nous empoisonne, hein, la chlordécone en ce moment, à la Martinique, à la Guadeloupe, c'est un monstrueux problème, hein, utilisé contre le charançon de la banane il y a quelques années. On savait que ce produit était horriblement toxique. Il était interdit en métropole. Et à l'époque, les préfets ont donné des dérogations d'usage de la chlordécone, qui maintenant est dans toutes les rivières, dans tous les sols, et en mer. Avec des langoustes, j'ai vu un pêcheur qui pleurait. Trois générations, il pêche des langoustes, il ne peut plus pêcher ces langoustes. Elles sont inconsommables. Et récemment, on a pris un espadon, les collègues de l'IRD, au large, un espadon, c'est-à-dire qu'il y avait de la chlordécone dans ses tissus. Hein, et il concentre, bien sûr, il a mangé des espèces qui étaient. C'est dramatique. Hein. Il n'y a aucun prix à payer pour accepter des choses comme ça. Ou alors, vous empoisonnez les gens. C'est une vraie question qui est posée, bien sûr. Question aussi, bien sûr, des produits. Ben, ce que je disais à l'instant, des produits sains. Hein. Vous devez fournir aux gens la quantité à consommer, à des prix abordables et des produits qui soient sains. Ne pas tuer la biodiversité, en tirer parti, ça sera un grand débat. Hein. Utiliser la biodiversité pour mieux produire au niveau agricole. Il y a des gens qui savent très bien faire ça en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Vous avez des endroits où les gens cultivent avec les mêmes rendements qu'en Europe, sans arroser, sans pesticides, sans engrais. Mais ils cultivent plusieurs plantes en même temps avec une très bonne productivité. C'est là qu'est l'avenir de l'agriculture aujourd'hui. Et de la nouvelle révolution verte, elle est là. Hein. Tirer parti des plantes en augmentant la diversité au sein des espèces d'intérêt et avec de nouvelles espèces, bien sûr, qu'on va chercher. Développer les polycultures, ça c'est fondamental. Créer de l'emploi, donc pas trop de mécanisation non plus, bien sûr, pour avancer. Voilà les petits jardins du futur. Alors, je sais pas, on nourrira pas l'humanité avec ça, hein. Ça c'est clair, mais c'est intéressant, déjà pour ramener la biodiversité en ville et amener les gens à savoir ce qu'est de produire un légume. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont riches dans des villes, qui achètent quelque chose. Ils regardent même pas d'où ça vient, hein. Regardez, hein, ça c'est. Maintenant que vous avez écouté mes conférences, j'espère que vous allez regarder l'origine des produits que vous consommez. Hein. Sinon, je ne suis pas assez persuasif, ça c'est clair. Hein. N'achetez pas. J'ai vu des cerises, un jour, elles étaient à 59 euros le kilo. À Paris, 59 euros le kilo de cerises. Qui viennent du Chili, je connais bien les Chiliens. Hein. Ils ont acheté la cerise à 1/3 d'euro le kilo, donc c'est que des coûts de transport. Regardez, moi, je sais pas, quand j'avais 15 ans, je mangeais pas de cerises, je suis pas si moche que ça, hein. Donc, il y a vraiment, vous pouvez très bien expliquer à un enfant que, bah, écoutez, non, les cerises, on n'en mange pas maintenant, c'est pas la saison. Ça, c'est des choses extrêmement importantes, que l'avocat, il est pas dû tous les jours, l'avocat, le fruit, hein, tous les jours dû, effectivement, sur la table en permanence, hein. Ce sont des choses qui sont très, très importantes. Il faut qu'on y réfléchisse, hein. Alors, la pollution. Donc, ça, évidemment, c'est un problème qui est considérable un peu partout, hein. Ça, on a contaminé, on a construit des produits, la chimie a permis des produits qui sont aujourd'hui pas dégradables. Et ça, il faut arrêter absolument ça. Hein. Quand il a son prix Nobel pour le DDT, on sait que 10 ans après l'avoir inventé, on sait qu'il est déjà toxique. Hein. Aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a dans du lait de baleine ou d'otarie ou de phoque, hein, en Antarctique, en Arctique. Donc c'est vrai que c'est des produits extrêmement dangereux. Cette pollution, en plus, et ça, on l'oublie, quand on pense pollution, on pense à sa poubelle, hein, ou à la décharge. Non, vous avez des zones ici, par exemple, le centre du Pacifique est contaminé par des polluants. Hein. Dans l'Arctique, hein, vous avez aussi des chaînes de polluants extrêmement importantes qui sont amenées par les gyres océaniques, et vous avez des PCB, vous avez des produits extrêmement toxiques partout. L'humain pollue là où il n'est pas. J'ai un ami qui revient d'une remontée profonde, là, avec le Nautil. Ils devaient être de l'ordre de 4600 mètres, hein, au large des Açores. Il me dit, j'ai vu un seau en plastique à 4600 mètres. On est malade, hein. Et on a fait des dragages, je vous montrerai des photos, sur l'expédition de Papouasie, donc en décembre dernier, là, à 400 mètres, en Nouvelle-Guinée, dans la mer de Bismarck, hein. Là, la lieu de la bataille de la mer de Corail, vous s'est jonché de canettes de bière, hein. Et ça s'appelle Homo sapiens, comme je dis après. Alors, ça, c'est un travail intéressant qui a été fait récemment, qui nous montre aussi qu'on peut très bien cibler des espèces d'intérêt économique, et donc les suivre très bien. Hein. Voilà, j'exploite des baleines ou des poissons, ou j'exploite n'importe quelle espèce, mais de par mes pratiques de chasse ou de pêche, je vais contribuer à effondrer, en fait, une espèce qui n'était pas visée par la chasse, ou visée de façon artificielle ou secondaire. Et on a vu des cibles de grandes baleines qui ont fait s'effondrer beaucoup, beaucoup de baleines aussi, d'autres. Hein. Et là, on voit que la Seconde Guerre mondiale a été le meilleur système pour protéger les baleines. Il y avait des chasseurs allemands dans l'océan Atlantique et il n'y avait pas de baleiniers. Hein, parce que, quand même, on prend des risques, mais quand même pas trop. Hein. Tuer les baleines, on les tue quand on n'a pas de risque, effectivement. Hein. Donc, on a vu les stocks de baleines se refaire, hein, jusqu'en 62-63. Et là, on fera les premiers moratoires sur les grandes baleines. Hein. Mais on a effondré la baleine franche arctique et antarctique. Il reste peut-être 1% des baleines qu'on avait en 1800. On avait vu les histoires de pêche l'autre jour, en fait, où vous passez des bateaux à voile. En bateau à voile, avec le canot à rame, avec le harpon à la main, le cachalot a ses chances, quand même. Vous relisez Moby Dick, je veux bien. Hein. Mais alors, par contre, le canot harpon à grenade explosive, où vous avez 40 baleines, on les détruit les unes après les autres, et elles avaient un très mauvais goût, ces baleines. Je parle plus des baleines franches. Les autres, les cadavres ne flottent pas quand on l'a tué. C'est une catastrophe pour l'humanité, ça. Donc, on pouvait en tuer qu'une, puisqu'après, le cadavre partait au fond. Là, quand on injecte la grosse bulle d'air, il y en a 40, on tue les 40, et on pêche les 40. C'est ça, la créativité, l'inventivité du génie humain. Et je tue toutes les baleines qui sont dans ma baie, sans problème. Donc, on a vu comme ça le rhinocéros noir quasi disparaître. Ici, c'est des crevettes qui ont disparu en pêchant notre stock. Le babiroussa, ici, a quasi disparu pour des captures illégales d'espèces qui étaient à Sulawesi. Et ces espèces n'étaient pas ciblées par la chasse, simplement, elles étaient prises en accessoire. Alors, évidemment, ça pose des problèmes. Vous pêchez, par exemple, des thons rouges, vous pêchez du thon rouge, puis vous avez un espadon, vous le prenez. Et quand vous voyez le prix de ces poissons aujourd'hui, vous comprenez que vous allez le prendre. Hein. Je vous disais, c'était vendu une femelle de thon rouge à Tsukiji, à Tokyo, en 2013, l'an dernier, en janvier, à 1,28 millions d'euros. Même si vous pêchez des chinchards, quand vous avez un truc comme ça à côté, vous le capturez. Hein. Et donc, on ira prendre le dernier. On ira chercher le dernier. Je me rappelle un pêcheur un jour qui me disait en Corse, il me disait, mon arrière-grand-père, il mettait 50 casiers, il prenait 50 langoustes à Ajaccio. Et le grand-père mettait 50 casiers, il prenait 20 langoustes. Le père mettait 100 casiers, il prenait 20 langoustes. Et lui, il met 200 casiers, il en prend 4. Voilà, c'est tout. Alors, je dis, mais il y a bien un problème. Et je dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Écoute, je vais continuer parce que si c'est pas moi qui la prends, la dernière, c'est Mathurin qui va la prendre. Ces raisonnements sont terribles, terribles et très délétères. Comment voulez-vous ensuite qu'on arrive à avoir une mentalité de gestion, de partage qu'on évoquait tout à l'heure? Alors, les plantes invasives au niveau terrestre, on a vu dans l'océan tout à l'heure, hein, c'est pareil au niveau terrestre. Quelques exemples, la Jussie qui envahit les plans d'eau dans le sud de la France, le Saint-Son du Cap, dans mon jardin aujourd'hui à Bagnoules, c'est la seule plante qui en fleurs. Ah bon, j'ai quand même bien sûr les mimosas et puis les amandiers. Mais par terre, c'est le Saint-Son du Cap. Il est venu comment? Des types qui avaient introduit des laines de mouton dans les années 1940, hein, du côté de Montpellier. Et dans ces laines de mouton d'Afrique du Sud, il y avait des graines de Saint-Son du Cap qui s'y répandaient partout. Bon, il est joli, mais n'empêche qu'il envahit tout. Hein. Beaucoup plus grave, le Myconia à Tahiti, qui lui est en train de totalement prendre la place des plantes initiales et de couvrir tout l'écosystème tahitien. C'est une très jolie fleur, en fait, une très jolie plante, amenée dans le jardin Gauguin, parce qu'il avait des belles fleurs, hein, il y a, à une époque très récente. C'est une catastrophe, la jacinto, là, voilà. C'est une jolie fleur, hein, elle est très belle, hein. 80% du lac Tchad a disparu sur les jacinto, hein, aujourd'hui. On ne peut plus remonter l'embouchure du Mississippi. Il faut des moyens gigantesques pour arracher ces jacinthes, hein. Donc, elles sont absolument partout. Regardez comment ils rentrent, les gens dedans. Donc, l'ambrosie, alors elle, c'est une jolie petite plante, mais elle a le mauvais goût de produire un pollen. Et avec quelques grains de pollen d'ambrosie par mètre cube d'air, vous collez une crise d'asthme à 15% des Français. Bon. Elle est en train d'envahir en ce moment la vallée du Rhône. Elle remonte sur la Loire en ce moment, là. Grave problème de santé publique, hein. C'est un couple français qui était allé passer des vacances et qui l'avait ramené d'Argentine dans les années 40 pour les mettre dans son jardin. Ça sort du jardin hein, quand vous ramenez des plantes comme ça. Et ici, c'est la remue du Japon qui nous pose d'énormes problèmes, qui a commencé aussi à envahir la France. Hein. Plus c'est beau, alors c'est au nord et au sud, hein, et c'est une plante aussi qui se met à proliférer un petit peu partout. Donc ça, ce sont typiquement les plantes invasives, alien, invasive species. 300 000 plantes connues, 300 nous posent vraiment des problèmes. Donc, une sur 1000 se révèle une fois disséminée partout, vraiment avec des capacités d'invasif, et pose de gros problèmes, bien sûr. Hein. Ensemble, on essaie de travailler. Vous savez combien ça coûte, ça, à l'humanité ? 400 milliards de dollars par an. Il ne fallait pas les arracher. Il ne fallait pas les amener. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Comment on réagit ? Comment on trouve des prédateurs, des parasites ? On fait une lutte biologique ? Voilà les vraies questions que le cerveau humain avec ses neurones hein, doit se poser aujourd'hui. Animaux, c'est pareil. Quelques exemples, effectivement, d'invasifs. Alors, les rats, le rat noir et le surmulot, qui s'appelle Rattus norvegicus, mais qui n'a pas du tout de Norvège, c'est un rat qui est originaire d'Asie orientale, ont toujours été associés à l'humain. Alors les médecins connaissent bien les problèmes de pathologie liés, bien sûr, à la présence de ces rats, hein, la peste par exemple, et aussi beaucoup de problèmes liés à la promiscuité, à l'adaptabilité, à l'extraordinaire capacité de ces animaux à tirer profit des mauvaises habitudes des humains. Ils sont partout, et on les a emmenés partout. Je vous avais raconté l'histoire de l'île de Madère avec les souris. Hein. C'est vraiment comme ça, et ça c'est un grave problème. Il est partout, toutes les îles. Et récemment, il y a un gros travail fait par les Néo-Zélandais pour enlever les rats d'une île de la Nouvelle-Zélande. Ils ont réussi, et ils ont vu l'écosystème changer complètement après l'éradication complète des rats. Mais il faut tout regarder pour que le rat ne revienne pas. Hein. Le rat, ça nage bien, puis ça rentre sur un bateau sans qu'on le voie, bien sûr. Hein. Alors Aedes, celui-ci est terrible, il vivait au Japon. Il transporte un virus qui donne des encéphalites extrêmement graves. Il est venu sur un bateau qui a amené des vieux pneus, des pneumatiques de voiture, du Japon aux États-Unis. Alors, je ne sais pas pourquoi l'humain transporte dans des bateaux des vieux pneus. Ah oui, il sait faire ça, il fait tout ce qu'on veut, là. Et puis, ben, il y a toujours de l'eau qui reste dans ces vieux pneus. Et la larve de ce moustique adore la granulométrie, en fait, du caoutchouc d'un vieux pneu pour s'installer. Et on l'a transporté partout. Étaient venus comme ça déjà les moustiques du paludisme d'Afrique au Brésil déjà. On a réussi à rééradiquer ensuite au Brésil. La tortue de Floride qui est partout, le varroa qui est un acarien parasite de ruches et de larves d'abeilles qui pose d'énormes problèmes et qui vient de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Toutes les ruches en ont maintenant. Il n'y a plus que Ouessant en France où il n'y en a pas. Donc on surveille une ruche de Ouessant avec l'abeille noire hein, pour que surtout le varroa ne franchisse pas le bras de mer qu'il y a entre eux. Il nage pas très bien le varroa. Hein. Donc mais ça peut venir encore que par des humains dans leurs poches, sur leurs chaussettes ou par les bateaux. Hein. Alors lui il est génial, le Boiga irregularis, c'est un serpent de l'île de Guam. Sympa, c'est un serpent mangeur d'œufs. Et puis, c'est le seul serpent au monde connu qui prend l'avion. Il adore ça, en fait. Beaucoup de serpents prennent des avions, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont sur un tarmac d'aéroport, ils remontent sur le train, ils s'installent, puis ils restent là. Mais quand l'avion est rendu à 12 000 mètres, à moins 50, donc on trouve plein de serpents morts, comme ça. Lui, il supporte très bien moins 50, ça ne gêne pas du tout. Il avait les bons gènes, monsieur le docteur, pour faire ça. Eh bien, il est partout. Il a envahi les États-Unis, il est en Europe, hein, il est en Afrique, il fait le tour du monde et il pose des gros problèmes, effectivement, emmené partout. Ça fait 3 mètres, hein, un boïga, c'est un beau serpent. Hein. Voilà, il sait prendre l'avion, en plus, il ne paye pas, hein. Donc lui, il gratisse tranquillement. Hein. Et je vous ai mis le doryphore qui avait causé de graves problèmes sur la pomme de terre. Alors il vient du Colorado, une jolie chrysomèle du Colorado, un beau coléoptère. Hein. Transporté avec la pomme de terre a fait des dégâts terribles. Alors maintenant, on l'a limité par l'usage, justement, de produits insecticides, donc ça pose le problème. Et le poisson-chat, le Silurglan, qui a envahi aussi toutes les rivières. Des monstres incroyables. Hein. Il y a une dame qui s'est fait manger son chien récemment, ça a été l'horreur totale. Elle avait un petit chien comme ça, bouffé par un Silurglan en se promenant à bord de la rivière. Et je dis, voilà, vous voyez les problèmes de biodiversité et les problèmes de dissémination d'espèces qui peuvent devenir invasives. Hein. C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Gilles Boeuf, titulaire de la chaire annuelle Développement durable, environnement, énergie et société. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours consacré à la biodiversité. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.